Tout le monde, bienvenue aux amateurs de Mac. Bonsoir. Ce soir, avec moi pour animer ce fabuleux show de questions-réponses, j'ai à mes côtés, ben, il est chez eux, là, mais il est quand même à côté de moi là. Ouais. Alexandre Vallière-Lagacé. Hey, bonjour. Bonjour. Ça va bien, Alexandre? Ça va bien, vous autres? Oui. Tu veux-tu prendre deux secondes pour te présenter? On te connaît bien. Bien sûr. Ouais. En gros, ceux qui me connaissent déjà savent que je blogue sur le blog de Geek, qui est un blog que j'ai fondé en 2006. Sinon, je développe aussi des applications mobiles sur Ctrl-Alt-Geek. On voit le thème qui suit. Sinon, en dehors de ça, ben, dans la vie de tous les jours, je suis programmeur analyste pour une grosse compagnie de consultation. Donc, c'est pas mal ça. Excellent. Okay. Un fan de Apple quand même? Ouais, depuis 2007, j'ai fait le switch aux côtés d'Apple, donc avec un MacBook Pro pour commencer, là, un MacBook Air, un iPhone, un iPad, tout est question. Excellent, fait que tu connais bien ça, puis tu es prêt à répondre aux questions de nos, de nos auditeurs. Et évidemment, avec moi, mon comparse de toujours, Vincent Miller. Oui! Moi encore ce soir. Ben oui. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, excellent. On a fait un bon podcast Mac Québec. J'ai été un peu cave et j'ai oublié d'en peser sur le piton enregistré. Fait que on va essayer de regarder là, pour trouver le moyen de faire ça. On a déjà une première question. Peut-être que Alexandre ou Vincent, vous allez pouvoir répondre à ça. Donc je mets ça. Il y a Julien Blais-Savoie qui nous demande. Lui, il voudrait devenir développeur. Il n'a aucune expérience et il se demande par où commencer. Alexandre, peut-être, parce que si tu es programmeur analyste, tu as déjà fait des études sur ça. Oui, ben, évidemment, c'est sûr que si tu as l'expérience de programmation dans d'autres langages, c'est un gros outil. Moi, principalement, tu vois, je suis développeur web, donc j'ai réussi à l'aide de plusieurs outils de faire des applications qui ressemblent à des applications natives, mais qui sont basés sur des technologies web, donc HTML5, CSS3, JavaScript. Et les outils sont assez performants pour qu'aujourd'hui, on puisse facilement passer une application inaperçue dans l'App Store comme une application qui ressemble à une application native. Donc, à ce niveau-là, si tu as des connaissances web, tu pars avec des bons atouts. Sinon, si tu veux partir du côté natif, donc en objectif C, c'est sûr qu'une bonne grosse brique de C++ ou même d'objectif C, qui est encore plus particulier à la plateforme d'Apple, ça serait bien. Ensuite, ben, ça va être de lire beaucoup, des tutoriels, les forums. Moi, c'est surtout ça que j'utilise, des groupes Google. Toi, Vincent, je ne sais pas comment... Qu'est-ce que tu peux rajouter? Moi, quand j'ai commencé vraiment, c'était justement des forums. Des fois, il y a des petits... quand tu poses des questions sur comment faire, des fois, il y a les forums, mais il y a aussi des personnes qui sont généreuses puis qui ouvrent des espèces de... des Hello World, des espèces de petites applications de base qui montrent comment faire une application open source. Puis tu regardes comment ils font. Puis ensuite, ben, tu peux te baser sur le fait, OK... tu sais maintenant comment il fait des liens entre différentes classes puis des propriétés. Donc, ça devient intéressant à suivre quand tu regardes certaines applications open source aussi qui sont disponibles sur le web un peu partout. Tu copies pas, c'est sûr. Ou si t'en prends une partie parce que la personne l'accepte, t'es mis dans les crédits de l'application, évidemment. Mais tu fais le tour justement avec les forums. En tout cas, pour moi, ça a bien fonctionné. Puis sur le site de Apple, ça donne beaucoup d'informations. Sur les forums, au début, je participais moins parce que l'anglais, des fois, j'ai un peu de misère. Puis vraiment, je me suis intéressé plus du côté forum à Apple plus tard. Puis ça va très bien. Sérieusement, il y a justement des applications qui sont disponibles là-dessus, qui sont étonnantes. Là. Le nouveau le storyboard que je suis en train de apprendre, qui est bizarre en même temps, qui est le fun, qui est le fun à essayer. Donc, il y a beaucoup de choses là, loin côté Apple aussi. J'espère que moi, ça je voudrais juste pas... rajouter, ouais. Ça coûte 100$ par année pour un développeur à Apple, mais si tu veux commencer puis apprendre, pas obligé de payer tout de suite. Tu peux avoir accès aux ressources, développer localement juste pour toi, le temps que tu apprennes, que ça prenne 3 mois, 6 mois, 1 an. Ben, tu n'as pas besoin de payer parce que tu n'as rien envoyé sur l'App Store encore. Donc, ça peut donner une période d'essai, si on veut, qui est gratuite. Puis quand tu es vraiment prêt à publier, là, tu achètes le 100$, tu achètes la licence de 100$, puis là, tu publies sur l'App Store. Le Xcode est gratuit maintenant dans le Mac App Store. Donc, c'est très possible de l'avoir développé, même d'envoyer ses applications sur le téléphone sans avoir à passer par le iTunes Store. À la suite de ça, en fait, ben, tu te prends un compte développeur. J'espère que ça répond à ta question, Julien. Et je veux juste rappeler aux gens qui sont avec nous, 18 personnes en ce moment dans le chat, on est très contents. Je veux juste vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne. Donc, dans le coin en bas ici, vous avez la fenêtre de chat qui est là, mais dans le coin, vous avez 3 petites icônes, dont une petite ampoule. Et c'est dans cette section-là que vous pouvez aller, soit pour poser une question texte qu'on va afficher comme on vient de le faire avec celle de Julien, ou carrément vous inviter et vous êtes les bienvenus à le faire avec votre caméra et venir nous poser une question live directement. Sinon, ben évidemment, le show, on veut avoir le plus de questions possible, mais comme à chaque semaine, en fait, on en a qui nous sont parvenus de différents channels sur les médias sociaux. Et on répond aussi à ces questions-là. Donc, on va commencer avec la première question qui a été posée sur Facebook par Marie-Christine Montembeau, donc sur la page Facebook de Mac Québec que je vous recommande. Si vous voulez poser des questions, c'est un des endroits très faciles à accéder. Là, pour ouais, on fait le tour un peu partout pour trouver nos questions. Et voilà. Et Marie-Christine semble avoir un petit problème un petit peu bizarre. Donc, elle, quand son bouton Caps Lock, donc quand son bouton Capital Lock est activé, c'est à ce moment-là que son ordinateur écrit en minuscule. Et quand elle le désactive, eh bien, là, l'ordinateur va écrire en majuscule. Donc, comment faire pour remettre tout normalement? Elle a un MacBook. Je pense, en tout cas, j'aurais peut-être d'autres questions à poser, là, peut-être plus pour isoler le problème, mais le comportement du clavier erratique comme ça, ça peut être lié à un problème de PRAM. Le PRAM, c'est une petite mémoire, en fait, là, qui garde certains settings au démarrage de l'ordinateur en dehors du disque dur. Et à ce moment-là, on peut évacuer l'information qu'il y a là-dessus, des fois, si ça s'entremêle. Donc, c'est très facile. Tu vas d'abord fermer ton ordinateur complètement. Ensuite de ça, tu vas trouver les touches « Commande »,« Option », la lettre « P » et la lettre « R ». Donc, 4 touches. Commande et option, ce sont les 2 touches directement à gauche de ta barre d'espacement sur ton clavier. Donc, tu spots, tu trouves ces touches-là et tu vas démarrer ton ordinateur. Et avant même que l'écran gris apparaisse, tu vas tenir les 4 touches qu'on vient de mentionner, c'est-à-dire commande, option, P et R, enfoncées. Et là, tu les tiens enfoncées, il va y avoir un premier gong, donc le chime ou le gong de démarrage, ton ordinateur va redémarrer. Il va avoir un deuxième gong. Ton ordinateur va redémarrer. Il va avoir un troisième gong. Et c'est, juste une petite seconde, c'est au bout de... Ben, quand tu vas entendre le troisième gong, tu vas lâcher et tu vas laisser ton ordinateur redémarrer. Cette petite procédure-là va évacuer, comme je disais, le PRAM. Et il est possible que ce soit là-dedans. Si ça ne fonctionne pas, je ne sais pas si mes deux collègues auraient peut-être déjà vu un problème semblable puis auraient peut-être une petite solution. Ben moi, si c'est pas justement le PRAM, c'est plus peut-être une connexion dans le clavier qui est défectueuse. On voit souvent quand on clique sur le Capital Lock, la lumière qui s'allume, en tout cas pour la plupart des claviers, là, les récents, c'est peut-être justement, il y a une connexion inversée, là, donc à chaque fois que tu cliques, il faudrait peut-être vérifier si la lumière est éteinte il y a peut-être eu un court-circuit, puis la lumière est éteinte, donc il y a eu quelque chose d'inversé. Je ne sais pas exactement, ça ne m'est jamais arrivé. Je spécule en ce moment. Mais si c'était ça, pourrait peut-être être, ça serait peut-être plus une visite au Genius Bar qu'il faudrait qu'il y ait autre chose. Il n'y a pas... Oui, puis si jamais, ça fait pas très longtemps que vous avez le MacBook Pro ou le Mac ou peu importe, d'appeler, parce que vous avez un soutien au moins d'un an, si vous n'avez pas l'Apple Care, d'appeler au moins, vous n'êtes pas obligé de vous présenter. Moi, je suis à Trois-Rivières, je ne veux pas aller à Québec ou à Montréal, juste pour me dire, tu aurais pu appeler, prendre un rendez-vous, puis on a réglé ça. Mais, ou justement, deux, trois touches, puis c'est fini. Là, c'est. Donc, vous pouvez appeler. Il y a un très bon service là, de données. Il parle français, anglais, là, peu importe. Au Canada, c'est parfait. Voilà. Oui, Alex, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est beau. Non, je faisais des petits signes à GF. Là. Ton capslock, excellent. Ton capslock a toujours fonctionné. Il n'y a pas de problème. Oui, non, j'ai jamais vu ça, moi, personnellement. Le plus que j'avais vu, c'était sur un vieux IBM PC début 80, où ce que les touches marchaient une fois de temps en temps, mais ça, c'était juste parce que c'était bien vieux. C'est autre chose. By the way, parlant d'un clavier peut-être un peu bizarre, si jamais vous échappez du liquide dans l'appareil, peut-être une petite procédure comme ça, là, il y a plusieurs choses à comprendre, mais d'abord, espérez toujours que le liquide ne soit pas sucré. Souvent, ça va arriver, des gens vont échapper du liquide dans leur appareil, ça va rentrer entre les touches, ils vont fermer l'appareil, le faire sécher. L'appareil va, quelques jours plus tard, va se rallumer, va continuer à fonctionner, mais ce qui se passe, c'est que le sucre qui s'est glissé dans l'appareil oxyde les soudures sur le motherboard et finit par les faire lâcher. Donc, les gens se demandent comment ça se fait que 3, 4, 5 mois plus tard, leur ordinateur lâche. C'est à cause du sucre qui se serait introduit. Donc, idéalement, là, si c'est de l'eau pure, ben là, éteindre l'ordinateur. Si vous êtes en mesure, enlever la batterie. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire parce que c'est un des nouveaux appareils, à ce moment-là, on va essayer de renverser l'ordinateur pour faire sortir le plus de liquide possible et ne pas le connecter à l'électricité puis le laisser sécher le plus longtemps possible. Si le liquide contenait, par exemple, c'est du café, donc il y avait du lait, du sucre dedans, peut-être qu'un nettoyage de l'ordinateur chez un professionnel serait requis. Là. Il y a possibilité, ça peut coûter quand même un certain prix, mais il y a possibilité de tremper les composantes dans un bain d'eau distillée pour essayer de nettoyer le sucre. Et puis après ça, on remonte l'ordinateur. Évidemment, on laisse sécher et ça peut fonctionner. Pour ma part, j'ai déjà vu quelqu'un, moi, nettoyer un motherboard de MacBook Pro. Il venait de s'acheter un MacBook Pro. On est dans un bar, dans une rencontre de groupe. Le gars, il se fait échapper une pinte de bière sur son ordinateur. Il démonte avec ses outils de bicyclette. Il nettoie le motherboard. On a tout ça filmé. Il y a un truc... il est sur YouTube, cette vidéo-là. Et les gens croient pas que l'ordinateur fonctionne encore. Je sais pas maintenant, mais il y a 6 mois, j'avais pris des nouvelles de la machine et ça fonctionnait encore. Mais vous pouvez aussi, encore là, vous présenter dans un Apple Store. Il remplace des claviers. C'est sûr qu'il faut payer le clavier, mais vous pouvez vous présenter un peu partout. Dire justement, j'ai échappé du liquide dans mon clavier, pouvez-vous le réparer? Ils vont remplacer ton clavier, ils vont te charger juste pour ça. Puis ça se fait, Frank the Tank là, de l'année SDG qui l'a fait, puis ça a très bien fonctionné pour lui. Puis voilà. Aussi, si, pour aider à l'évaporation de l'eau, toujours le bon vieux truc du bol de riz. Donc, un portable, c'est un peu plus gros, c'est plus difficile à faire rentrer. Mais si on échappe, par exemple, on met l'iPhone dans la poche de chemise, puis là, on se penche au-dessus des urinoirs, splutch, l'iPhone tombe dans la toilette. Si on peut faire rapidement, on peut, maintenant avec l'iPhone 4 ou 4S, avec la petite vis un peu plus difficile à enlever, mais si on a le bon outil, on le démonte tout de suite, on enlève la batterie, puis on peut le mettre dans le bol de riz pour le faire sécher. Ça va l'aider à sécher plus rapidement. Ou un bol de pastilles de silicium aussi, ce que vous avez quand vous achetez des... C'est sûr que c'est les geeks qui vont avoir ça. Là, moi, je suis en train de ramasser le mien. Mais quand vous achetez un disque dur, il y a toujours un petit sachet de pastilles bleues dans le fond. C'est du silice ou du silicium, là, je ne me souviens plus trop. Et à ce moment-là, oui, effectivement, c'est pour garder le truc très sec. Et vous pouvez simplement ouvrir ça, vous faire un bol, et vous avez quelque chose qui est plus efficace encore que le riz. Il y a... que je veux dire, non? J'ai oublié. Ah, ça n'a pas de bon sens. Tu le retrouveras. On a une question de Louis sur Twitter qui est, en fait, Louis va bientôt passer au Mac et est en train de regarder, en fait, quel ordinateur il va s'acheter. Il fait son analyse de besoin, comme on lui a suggéré, je pense que c'est la semaine passée ou sur Twitter. Ouais, la semaine passée. Il se demande, en fait, s'il y a une grande incidence sur la durée de vie de la batterie entre un processeur i7 et i5. Donc, j'ai fait un petit peu de recherche sur Internet. Dans les notes du show, il va y avoir des pages du site de Apple sur comment économiser la batterie, puis qui vont expliquer un peu plus. Mais d'après ce que j'ai lu, en fait, l'incidence sur la batterie serait minime en fait, entre les deux. Parce que ce qui se passe, c'est que le processeur i7, c'est un processeur qui est capable de décupler sa puissance. C'est comme Sangoku, là. ceux qui connaissent les mangas Dragon Ball. Donc, il est capable de s'overclocker si il y a une demande assez forte pour ça. Et la différence entre un i7 et un i5, c'est que le processeur i5, son enveloppe thermique, ne lui permettra pas de s'overclocker aussi haut que le processeur i7. Et habituellement, quand on fait ce genre de travail-là, avec son ordinateur, souvent, on va être connecté parce que en utilisant la puissance maximum de l'ordinateur, c'est-à-dire en faisant quelque chose qui va requérir tellement de puissance qu'il va s'overclocker, la batterie va se drainer beaucoup plus rapidement. Donc, à ce moment-là, on est peut-être mieux de le tenir branché. C'est quand on fait du montage vidéo ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Mais c'est aussi ça que les gens font généralement. C'est rare que tu vas partir dans un café pour aller faire un montage d'un film de 20 minutes en HD à pleine résolution, en traitement avec plein de manipulations. C'est sûr qu'on va être branché à la maison, là. Ben moi, un exemple, moi quand je développe, ça en prend quand même de la puissance avec Xcode, puis quand t'as plusieurs pages ouvertes, avant avec Interface Builder, qui était un logiciel différent de Xcode, là, qui était séparé, ça demandait un petit peu plus de puissance, j'avais vérifié. Maintenant, tout est ensemble, donc on gagne un peu là-dessus. Mais moi, j'ai un laptop 13 pouces MacBook Pro, donc ma puissance est limitée. Puis, va falloir que je magasine aussi un Core i7, là, probablement que ça va être dans mes priorités. Excellent. On a une question en ligne que je mets tout de suite à votre lecture, à votre disposition. Donc, c'est Biker Chief sur le chat qui nous demande « Bootcamp sur Mac, est-ce qu'il y a un moyen de démarrer sans maintenir la touche Alt pour démarrer sur Mac? » Donc, peut-être que Biker Chief a un problème avec le clavier ou quelque chose comme ça. Effectivement, quand on a une partition Bootcamp sur son ordinateur, faut éteindre l'ordinateur et redémarrer sur l'autre partition, on tient la touche Alt enfoncée. Mais Vincent, t'avais quelque chose? Oui, je sais. Là, j'avais pas vu la question. Là, je serais allé chercher, mais dans les options de Bootcamp, quand vous allez sur votre Mac, je sais que vous pouvez mettre par défaut de repartir par Windows. Donc, justement, au lieu de cliquer sur le bouton Alt, si vous savez que pendant la semaine, vous n'allez pas utiliser votre Mac parce que vous travaillez et c'est juste sur Windows, mais vous pouvez juste faire rouler ça. Puis ensuite, vous allez cliquer dans le fond sur le bouton Alt pour retourner sur le Mac, puis décocher cette option-là pour que, par défaut, là, ça redevienne sur Mac. Donc, je sais que... En fait, moi, j'avais... C'est dans Système Préférences du côté de Mac et dans le panneau de configuration du côté PC. Et l'option, c'est quand les... du côté Mac, ça s'appelle Startup Disk. Donc, vous pouvez aller choisir dans Startup Disk le démarrage que vous voulez. Et du côté des préférences système, c'est-à-dire du panneau de configuration de Windows, vous pouvez simplement aussi dans disque de démarrage ou startup disque, il va y avoir une nouvelle icône qui va s'être ajoutée. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir le disque avec lequel vous voulez démarrer. Sinon, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres moyens. Si c'est un problème de clavier, à ce moment-là, tu peux brancher un clavier externe qui va te permettre d'avoir ta touche Alt et donc de démarrer l'ordinateur sur Bootcamp. J'espère que ça répond à ta question, Biker Chief. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos questions. On vous remercie puis on apprécie beaucoup C'est comme je l'explique tout en début de show, c'est la petite ampoule qui est juste en bas ici et qui vous permet de nous poser des questions directement. OK. Quand la disponibilité de iTunes Match au Canada, selon vous? Moi, là, j'ai même pas pu essayer iTunes Match pour les développeurs parce que même côté développeur, c'est juste disponible aux États-Unis. Fait que probablement que ça va prendre un certain temps là, avant d'apparaître. Moi, je pense que, dans le fond, ça va apparaître pour les développeurs partout dans le monde. Puis ensuite, ça va apparaître pour tout le monde partout dans le monde. Fait que si ça va dans cette logique-là, ça va prendre bien du temps avant que tout apparaisse pour le monde entier, là, cette option-là. Mais tu vois, moi, je suis un petit peu moins positif. Avec le contenu qu'on a sur iTunes, par exemple, des films avec Roy Dupuis qui sont juste en anglais, qu'on n'a pas en français sur iTunes, tout ça à cause que les contrats avec les compagnies de distributeurs de films sont tellement mal faits qu'ils empêchent carrément la distribution en fichier numérique de certaines œuvres. Et c'est des contrats qui sont faits sur 10 ou 15 ans. C'est pour ça qu'au Canada, on n'a pas beaucoup de contenu numérique, comme on a aux États-Unis. Netflix, par exemple, aux États-Unis, qui a une librairie incroyable de contenu. Au Canada, on se ramasse avec le 20e de celle des États-Unis. Pourtant, c'est les mêmes films, mais c'est pas les mêmes ententes avec les maisons de production puis les distributeurs. Faut comprendre que dans le processus ancestral, si on veut, où il y avait une production et une distribution sur médium physique, les contrats étaient faits en fonction de prioriser les gens qui distribuaient, imprimaient et vendaient les DVD ou les autres formats, les CD musique. Et ces ententes-là ont été négociées, à mon avis, au début 2000 encore, juste avant la sortie du iPod, ou au moment que l'iPod était sorti, mais que ces compagnies-là disaient que ça n'allait pas pogner, que c'était juste une mode. Et c'est pour 10 ou 15 ans. Donc là, 10 ans, mais ça vient de passer. Donc, quelques compagnies qui permettent d'avoir leurs œuvres au Canada en fichier numérique, mais il y en a encore pour quelques années encore avant que ça débloque. Et ça ne veut pas dire que dans 5 ans, s'ils renégocient, qu'ils vont permettre justement de mettre leurs œuvres à disponibilité de tous. Fait qu'à mon avis, iTunes Match au Canada, pas avant plusieurs années. Là. Ben moi, je te dirais, là, faut faire une différence entre le fichier qui va être disponible sur iTunes puis le iTunes Match, parce que l'iTunes Match, ça va être des fichiers qui sont déjà disponibles sur iTunes, qu'on va... mais qui sont dans votre appareil en numérique, puis que là, on veut mettre de meilleure qualité qui vient de iTunes. Donc, si il y a des films, justement, comme Roy Dupuis qui ne sont pas disponibles, ben, on ne pourra juste pas les trouver la meilleure qualité dans iTunes parce que, justement, elle ne sera pas là. iTunes Match, c'est pas seulement pour la musique pour l'instant? C'est juste pour la musique, mais ouais, là, je vais peut-être mal exprimer. Ce que je voulais dire plus, c'est oui, la musique, tu peux l'acheter dans iTunes en ce moment, mais le fait de permettre de le retéléchargement en échange d'une reconnaissance de tes fichiers, ça va redemander une renégociation. Oui. Puis c'est ça qui a dû être assez difficile aux États-Unis de réussir avec les trois majors de la musique. Au Canada, il faut refaire le même exercice. Et si, par exemple, après quelques mois, les majors aux États-Unis trouvent que ça ne vaut pas vraiment la peine, c'est pas une super idée, mais qu'ils ont dit oui parce que c'était Steve qui leur avait demandé ou qu'ils avaient convaincu, ils vont peut-être dire, wow, pas cette année, on s'en reparle l'année prochaine. Puis ça peut aller même pendant des années. C'est toujours restrictif, ces contrats-là. C'est toujours le minimum. Donc là, si quelque chose de nouveau sort à iTunes Match, il faut renégocier, il faut revoir, il faut retourner à table à dessin, puis il faut faire une nouvelle entente. Mais peut-être que le prix sera 50 $ peut-être que le prix va être 200 $ on ne sait pas. T'sais, tout ça, c'est des choses qui sont à négocier. Il y a eu quand même une nouvelle du côté de Apple autour du mois de septembre. Donc quand iTunes Match était encore en bêta, tout ça. Et c'est un email que quelqu'un, en fait, a envoyé à Tim Cook. Et Tim Cook l'aurait envoyé à EDQ, qui aurait répondu au email qui demandait quand est-ce qu'iTunes serait disponible au Canada. Et EDQ aurait répondu, ben on essaye que ce soit disponible rapidement après les États-Unis. Donc, visait peut-être pour début 2012 ou fin 2011. Mais comme Alexandre l'a dit, il faut que Apple renégocie. Évidemment, les compagnies veulent quand même faire de l'argent. Maintenant, le système de iTunes Match, là, pour récapituler un peu, c'est un frais aux États-Unis. Ça va être comme ça. C'est un frais de 25 $ Il y a une analyse de votre bibliothèque de musique qui est faite. Les chansons qui sont trouvées et qui concordent avec ce que iTunes ce que Apple possède déjà dans sa librairie de musique, sont mis à votre disposition au téléchargement en une qualité qui est meilleure. Et les chansons qui ne seraient pas disponibles, à ce moment-là, vous pouvez les uploader. Mais avec une bibliothèque de 10 millions de chansons sur iTunes, ça diminue grandement par rapport à des services comme Amazon ou Google Music Locker. Ça diminue grandement le besoin d'uploader, donc le temps que ça prend à uploader. Maintenant, la façon un peu niaiseuse, premier degré, de comprendre ce système-là, c'est un système de money laundry, mais en fait de musique illégale téléchargée, de nettoyage de cette musique-là. C'est-à-dire que vous avez téléchargé un gros paquet de musique, pas en très bonne qualité, peut-être dans le temps de Napster, les tags, le metadata qu'il y a là-dedans correspond à des chansons sur iTunes. Et puis à ce moment-là, ils vont vous les fournir en une meilleure qualité et dans un format légal, tant que vous allez payer ce 25$-là par année. Mais c'est pas juste en streaming. Il me semble que j'avais lu, moi, que une fois que tu as fait le processus d'iTunes Match, le iCloud va, mettons que tu dis, je veux mettons faire jouer la musique de John Lennon, il va te télécharger, par exemple, la tune que tu as demandé, la streamer, en streamer deux, trois autres de plus, pour toujours avoir, essayer de deviner ce que tu veux écouter ou ce que tu écoutes régulièrement sur ton appareil, mais tu n'as pas physiquement les fichiers MP4 dans ta librairie iTunes. Donc, si dans 6 mois ou dans 1 an, tu arrêtes ton abonnement de 25$, ben là, tu n'as plus ta musique, ben là, tu n'as plus la musique officielle de Apple. Ben, c'est pas un fichier, c'est pas le fichier qui remplace le fichier qui est présent dans l'ordinateur. Je pense pas qu'il retélécharge tous les fichiers, moi. Je pense qu'il te permet juste de les avoir par le iCloud en streaming. Il me semble que c'est ça que j'avais vu, parce que sinon, ça serait trop évident. N'importe qui fera une razzia sur les torrents, puis il se ramasserait des millions de musiques, des millions de chansons. Puis après ça, ben let's go, on va voir Apple, 25$. Deux, trois jours plus tard, tout est retéléchargé, tout est flambant neuf, beau fichier. Ben, oui, c'est sûr que de ce côté-là, c'est un peu plate, mais en même temps, quand quelqu'un a des musiques qui viennent justement côté qui n'est pas très legit, hein, puis veut retourner dans le legit, puis veut commencer à acheter de la musique sur iTunes, mais de partir justement, au moins il y a une dépense de 25$ qui est faite pour cette musique-là que tu as téléchargée, peu importe quelle source ça vient, tu payes ce 25$-là, puis maintenant, après ça, tu t'achètes sur iTunes. Je pensais que c'était un peu comme ça. Ben, moi aussi, initialement, mais suite à ça, avec les développements qu'on a vu avec le bêta qui a été fait aux États-Unis, puis Jean-François vient de confirmer, je pense, il garde juste quelques fichiers sur l'appareil, il stream ce que tu aurais besoin, mettons, l'album suivant ou les chansons suivantes de l'appareil, mais après les avoir écoutées, après un certain temps, selon l'algorithme prédéterminé, il va vider ces chansons-là. Cette espèce de cache. Donc, c'est ça, le genre de cache intelligente, là. Okay. Donc, ça reste à voir. On va tout de suite passer à une autre question. Julien Blais-Savoie qui nous demande, selon vous, quel est le meilleur logiciel de machine virtuelle pour XP sous Lyon? Moi, j'ai fait l'essai de Parallel 7, puis j'ai fait l'essai pour essayer de rouler la bêta de Windows 8. Je n'ai pas été vraiment impressionné au niveau de la vitesse. Puis d'après ce que j'ai lu, Virtual PC, non, c'est pas Virtual PC, c'est VMware était plus efficace, du moins pour le Windows 8. Pour le Windows 8, celui qui est conseillé, c'est VMware 4. Donc, il paraît que c'est très efficace, c'est très fluide, ça fonctionne très bien. Par exemple, pour XP, ça fait un certain temps, là, je sais pas quel logiciel qui est meilleur. De toute façon, XP, ça prend moins de ressources. Fait que j'imagine que VMware 4 aussi doit faire très bien l'affaire. C'est pas VMware qui a un mode pour les jeux, justement, pour avoir une meilleure performance dans les jeux? Oui, effectivement, je pense qu'il va rechercher plus de ressources au niveau de la carte vidéo sans avoir besoin nécessairement, parce que le mieux pour jouer à des jeux vidéo sur une plateforme Windows avec un Mac, c'est carrément d'installer en bootcamp parce que tu as toute la puissance. Mais si, pour une raison ou une autre, tu ne veux pas le faire, tu veux jouer dans une fenêtre ou quoi que ce soit, ben à ce moment-là, tu peux le faire. Le meilleur logiciel pour ça serait VMware. Moi, j'aime bien Parallel parce qu'il vient avec un paquet de facilitateurs pour transférer des données entre le bureau du Mac puis le bureau du PC. Une espèce de synchronisation qui se fait. Et si je me trompe pas, les grosses versions viennent avec antivirus puis un paquet d'outils comme ça. Et je pense que les deux logiciels le font. Mais si vous avez une partition Bootcamp, vous êtes en mesure de greffer. Donc, vous installez le logiciel puis vous lui dites, ben moi, j'ai pas d'image disque à te faire installer ou à te faire booter. Par contre, j'ai Bootcamp qui est là puis j'aimerais que tu te connectes à mon Bootcamp pour le Windows. Donc, c'est un peu le meilleur des deux mondes parce que tu as un Windows d'installer sur lequel tu peux aller chercher beaucoup de puissance si tu en as besoin. Mais si pour une raison ou une autre, là, je sais pas, moi, MS Project, tu veux utiliser ça, ben t'es pas obligé de redémarrer ta machine. Tu pourrais lancer ton VMware ou ton parallèle et avoir accès à ta partition Windows. Il y a aussi VirtualBox. Je ne sais pas si ça fonctionne avec Windows XP. Moi, je l'ai utilisé avec du développement d'applications mobiles de WebOS. Okay. WebOS a créé une partition dans VirtualBox, une machine virtuelle finalement qui exécutait WebOS. Donc, je ne sais pas si ça marche avec Windows XP. Sûrement. L'avantage, c'est qu'il est gratuit. Mm-hmm. Bon, il a été racheté par Oracle il n'y a pas longtemps. Donc, je ne sais pas si le développement continue. Ouais. C'est, je pense que c'est le business de Oracle d'acheter des logiciels pour les développer. Oui. Puis, si je me souviens bien, dans VirtualBox, tu peux rouler des machines virtuelles de Lyon. Si tu veux l'essayer, par exemple, tu veux essayer Lyon serveur, tu peux le rouler dans VirtualBox. On a une autre question en ligne. Le show va être long ce soir. C'est probablement toute la famille d'Alexandre qui il a dit hey, « je vais être les amateurs de Mac ». Fait qu'ils sont tous allés poser des questions. Donc voilà, on a une question de Pierre Grégoire qui est moins une question plus que pour nous tester au niveau de nos connaissances. Donc il dit « j'imagine que vous savez comment faire apparaître l'icône du micro Siri sur le clavier du iPhone 4S ». Est-ce que tu le sais, toi, Alexandre? Est-ce que tu le... Oui, il faut que tu changes la... Oui, voilà. Ben, en fait, il y a plusieurs manières, mais si tu veux un clavier français, canadien, QWERTY, avec le bouton micro, il faut aller ajouter dans son iOS le clavier français. Et une fois que le clavier est rajouté, on peut cliquer dessus pour aller changer certaines options. Et là, on le met en clavier français et en QWERTY. Et quand on retourne, on élimine les autres claviers. Et quand on retourne, on a notre petit micro sur son clavier. Une autre nouvelle qui est sortie par rapport au clavier du iPhone cette semaine, pour les gens qui s'en rappellent pas ou qui savent pas nécessairement comment, bien, c'est d'aller activer le clavier icône emoji pour avoir les petits smiley face puis un paquet d'autres trucs que tu peux avoir puis mettre dans tes SMS, là. Donc, encore une fois, aller ajouter un clavier et dans la liste que vous allez avoir, là, il est pas caché, mais il s'appelle « Icône Emoji » et vous le rajoutez, puis ça va vous permettre d'avoir toutes ces figures-là. On passe à la prochaine question. Est-ce que c'est normal que je ne réussisse pas à obtenir l'heure quand je le demande à Siri? Il semble que lorsque je formule des requêtes à Siri, même si elle découvre ma localisation... elle ne réussit pas à me donner une réponse. Donc, est-ce que, au niveau des... Je vais vous laisser répondre, là, au niveau... Moi, j'ai écrit quelque chose, mais au niveau des développeurs, j'aimerais entendre votre réponse là-dessus par rapport à Siri. Bien, pour Siri, moi, je sais que sur mon 4S, j'ai désactivé certaines options de localisation pour sauver la batterie un petit peu. Mm-hmm. Et j'ai fait le test, justement. J'ai demandé c'est quoi la météo ce soir, puis il ne peut pas répondre parce qu'il ne savait pas j'étais où. Pour l'heure, il pouvait me le dire, par contre. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être que la personne elle a désactivé des options supplémentaires de localisation, ce qui fait qu'il ne peut pas trouver le fuseau horaire, par exemple. Sinon, je ne peux pas vraiment voir ce serait quoi d'autre. Moi, je ne peux pas vraiment répondre parce que Siri, je ne l'ai pas. Ouais. Mais côté développeur, je sais qu'il n'y a absolument rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut développer, à moins qu'Alexandre ait vu quelque chose, mais... Moi, j'ai rien vu là, qu'on peut toucher à ça. C'est tellement privé pour l'instant, en tout cas. C'est sûr. Apple n'est pas encore prêt à mettre ça public pour tout le monde. Là. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est localisation pour le téléphone au Canada, ça ne fonctionne pas. Les bases de données on le répète, ne sont pas là. Par contre, il y a certaines façons de contourner. Tu parlais de la météo, Alexandre. Si oui. tu lui demandes quelle est la météo ce soir, théoriquement, il est censé savoir où est-ce que tu es et te donner la météo en fonction de ta localisation. Et ce n'est pas du tout parce que tu as désactivé des options. C'est vraiment parce qu'au Canada, il n'est pas capable. Par contre, si tu lui demandes la okay. température à Montréal, là, il va faire la recherche et il va être capable de te le faire parce que tu lui as fourni la localisation que tu voulais. Maintenant, pour okay. l'heure, je ne sais pas si c'est à cause de la voix, l'accent ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Siri français dans l'appareil, c'est un Siri français de France. Donc, ça commence à Saint-Pierre et Miquelon. Là, votre accent devrait mieux passer dans Siri. Mais si je fais un test live, quelle heure est-il? Qu'est-ce qu'il répond? Qui n'a pas bien compris, on va recommencer. Quelle heure est-il? Voilà, donc l'horloge m'apparaît. C'est l'heure qu'il y a sur mon téléphone actuellement. Donc, bon, c'est une okay. question. Puis aussi, la personne, j'ai pas le nom, mais pour essayer de dire simplement quelle heure est-il à Montréal? Comme oui, ça, il n'y aurait pas la géolocalisation. Puis dans le temps de trouver l'option qui pourrait régler le problème, il pourrait avoir l'heure pour l'instant. C'est sûr qu'on n'a pas encore apprivoisé Siri très bien. Il faut jouer avec, trouver les façons qui peut mieux fonctionner. Cette semaine, je m'ostinais avec quelqu'un sur Internet en lui disant que malheureusement, Siri n'envoie pas de email au Canada. Et c'est pas vrai, en fait. En français, c'est peut-être compliqué de lui faire envoyer, mais en anglais, on lui demande « send an email » et il va t'ouvrir une page qui va te permettre d'écrire avec la voix le email, mais c'est en anglais, là, à ce que j'ai su. OK. Donc, j'espère que ça répond à la question. Non, effectivement, on n'a pas le nom, je ne l'ai pas remis. Vincent, okay. tu veux répondre? Oui, tu allais dire quelque chose, oui. Alex? Oui, j'ai essayé aussi d'autres questions plus techniques en français, puis c'est vraiment, ça donne absolument rien. Pour que Wolfram Alpha, qui est le service américain, si on veut scientifique ou technique, ouais. fonctionne, il faut vraiment y demander en anglais. Okay. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Là. Mais Wolfram fonctionne au Canada en anglais? Ben oui, je l'ai essayé de Montréal là, hier. Là. Cool. Puis c'est Wolfram Alpha qui m'a sorti l'information. Là, je demandais c'était qui des personnalités connues, puis il me sortait la petite carte avec Wolfram Alpha, mais il fallait être en anglais absolument. OK, excellent. Mais il y a une chose, rapidement, j'avais vu dans un top 10 de choses techniques, justement, dans Wolfram Alpha. Ouais. Wolfram. Donc, ouais, Wolfram Alpha. Tu peux aussi demander... Pour des designers, souvent, tu donnes un code de couleur qui est disponible, par exemple, à Adobe. Au lieu de chercher justement ces codes-là, tu dis juste le code de cette couleur-là, puis il va te montrer, puis il va te dire le nom de cette couleur-là. Donc, il y a une facilité qui est faite. On va commencer à l'apprivoiser vraiment Siri quand elle va être dans ses pleines capacités. Puis justement, des petits trucs comme ça, là, ça gagne. Au lieu de chercher dans une palette de couleurs ou de chercher sur Internet un logiciel, tu peux l'avoir tout de suite. Donc, en ce moment, comme j'ai vu dans le chat, là, Safari égale bêta. C'est sûr qu'en ce moment, c'est comme ça. Hein. Puis au Canada, c'est encore plus là, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont pas disponibles. J'ai fait un petit test pour ceux qui peuvent peut-être le voir. J'ai demandé à Siri en anglais qui est Bruce Campbell. Et ce qui m'a sorti, c'est vraiment la fiche de l'acteur, où en bas on peut voir vraiment le fait. Donc en anglais, ça fonctionne vraiment bien. Wow. On peut avoir l'information, mais il faut vraiment parler anglais. Cool. C'est lui qui joue dans Burn Notice? Je sais pas, mais il a fait Evil Dead, entre autres. OK. C'est un acteur mythique aux États-Unis. Il a fait un film d'Elvis dernièrement, assez fucked up. Elvis contre les vampires, ou je sais pas quoi. Là. C'est quoi son nom? Bruce Campbell. Bruce Campbell. Il faisait un personnage aussi dans Hercule, mais c'est un excellent acteur. Ah oui, c'est bon. Est-ce que tu veux t'occuper de la prochaine question à propos d'iCloud? Oui. Prochaine question. Ma conjointe et moi partageons nos agendas par iCloud. Lecture, écriture. Est-ce qu'il y a un moyen d'enlever les notifications de certains calendriers du conjoint sur l'iPhone? Est-ce possible de synchroniser nos contacts? En fait, on l'a essayé hier parce qu'on s'est rencontrés, JF, moi puis Alexis. Je l'ai essayé. On a créé une activité, on a mis une alarme, puis on a partagé. On a enlevé le calendrier de la personne. On a aussi partagé. Même si vous enlevez le calendrier de la personne, c'est ça qu'on allait vous conseiller, mais la notification de l'alarme qui est faite fonctionne sur tous les téléphones. Donc, si vous utilisez le compte iCloud, le même pour tout le monde, malheureusement, les événements, vous ne pourrez pas en enlever pour certains, puis comme un iPhone, vous ne pourrez pas l'enlever pour l'iPad. Ça va apparaître surtout si vous mettez l'alarme. Même chose synchronisée avec un Mac. Par contre, si justement ces deux comptes séparés plus tard, là, évidemment, vous pouvez partager en donnant des invitations. Là, vous pouvez partager des calendriers. Mais concernant les notifications, malheureusement, on l'a essayé, puis c'est pas encore disponible. Peut-être dans une prochaine mise à jour, mais là, en ce moment, puis depuis un certain temps déjà, là, ça fonctionne pas, puis ça fonctionnera probablement pas tout de suite là. Bien, ce qui se passe, ce qu'il faut comprendre dans la question, dans la question qu'on a, c'est qu'ils utilisent un seul compte pour les deux personnes, ce qui est, quant à moi, en fait, très déconseillé parce que le compte iCloud va être utilisé pour iMessage puis pour d'autres services, Find My Friends. S'il est configuré sur deux appareils, je ne sais pas comment tout ça va se faire. Est-ce qu'on va voir les deux téléphones? Est-ce que, donc, moi, ce que je suggérais, vu que les comptes iCloud sont gratuits, à ce moment-là, vous en faites un chacun. Maintenant, après ça, vous pouvez créer des calendriers qui vous appartiennent ou des calendriers communs. Et quand vous partagez les calendriers communs, vous pouvez dire, bien, l'autre personne peut écrire sur le calendrier ou non, l'autre personne peut seulement voir le calendrier. Ça, on n'a pas fait le test, mais d'après moi, si on envoie l'invitation du calendrier en lecture seule, il ne devrait pas être importuné par les alarmes, mais ça, je ne suis pas sûr. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que sur un compte, si vous avez une synchronisation des agendas qui sont faits et que quelqu'un désactive l'alarme d'un bord, bien, c'est clair que la synchronisation va faire que l'alarme est désactivée de l'autre côté. De partout, oui. C'est ça. Deuxième chose, si vous avez deux comptes et que vous partagez un calendrier parce que c'est du travail commun que vous faites et que quelqu'un désactive l'alarme d'un côté, elle va aussi se désactiver de l'autre côté. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être de se garder des calendriers qui ne sont pas partagés et des calendriers qui sont partagés soit en lecture. Faites vos propres tests à ce niveau-là. Et pour ce qui est des contacts, comme JF nous l'écrit dans le chat, effectivement, il n'y a pas moyen de partager ces contacts. À ce moment-là, peut-être que ce que vous pourriez faire, c'est peut-être synchroniser le carnet d'adresses de votre ordinateur Mac avec un service Google et après ça, demander à Google de synchroniser dans votre carnet d'adresses juste pour ça et peut-être de configurer un compte commun Google qui lui servirait à synchroniser les contacts entre les deux appareils. On peut répondre à une autre dans le document? Dans le document? Moi, je vais l'apprendre. C'est une question que j'ai reçue cette semaine par courriel de Claude Laralde qui est justement à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette petite île au large du Canada, qui est de propriété française, il me demandait comment jailbreaker son iPad 2 pour ne pas utiliser Safari. J'ai demandé évidemment c'est quoi la version d'iOS qu'il a, et sa version c'est iOS 5. Donc là, après avoir expliqué qu'on pouvait juste le faire en mode Tether, autrement dit, quand on redémarre l'iPad, il faut le re-jailbreaker pour qu'il démarre correctement, il était moins intéressé. Mais sa question, c'était de pas utiliser Safari. Donc là, je lui ai suggéré, ben pourquoi pas prendre d'autres browsers, d'autres navigateurs qui sont dans l'App Store. Puis là, j'ai suggéré quatre navigateurs. Il y a Mercury, qui a l'avantage d'être universel. Donc, un seul achat, il fonctionne sur iPhone et iPad. Il y a le bon vieux classique Opera Mini. et iCab Mobile, qui est aussi très bien coté, et Atomic Web Browser, qui est un quatrième navigateur populaire. Moi, personnellement, c'est Mercury que j'utilise, pas en remplacement de Safari, mais juste une fois de temps en temps pour voir ce que d'autres développeurs peuvent ramener comme idée, puisqu'on sait très bien qu'Apple va finir par copier des fonctionnalités dans une future version, donc c'est toujours bien de voir ce que les gens ont comme idée. Pour de vrai, non. Je suis sûr que non. C'est pas surtout pas pour le plus, pour faire le clic de la photo. Hein. Ouais, ça n'a jamais été fait avant. Puis les notifications descendent jamais. Je pense que la même application qu'il ne faisait pas avant, c'était elle aussi qui avait proposé d'utiliser le bouton de volume pour faire la photo. Fait que... Ça, c'était Caméra Plus. C'est vraiment fou. Quand Caméra Plus l'avait faite une première fois, ils ont soumis leur application, elle a été refusée à cause que le développeur détournait la fonctionnalité d'un bouton, ouais. Ce qui est contre les règlements d'Apple. Mm-hmm. Ce qu'ils ont fait finalement, c'est qu'ils ont resoumis leur application avec un Easter egg. Quand on activait cette petite fonction cachée, le bouton s'activait pour prendre la photo. Apple a découvert ça. Ils ont retiré l'application. Ils l'ont banni du Apple Store pendant, je pense, comme 3 ou 4 mois. Ça faisait des pertes de 200 000 $ à la compagnie parce qu'ils pouvaient faire facilement 50 000 $ par semaine avec cette application-là. Et ils ont fini par la ramener. Puis peu de temps après, Apple copie le bouton plus. Ils disent que c'est plus grave finalement, puis c'est que c'est bien comme ça. Donc, c'est à savoir. Moi, je l'utilise maintenant. Donc, c'est ça. Donc, pour l'instant, il y a au niveau du jailbreak, je pense qu'il y a un jailbreak semi-tethered aussi. Que si tu rebootes ton téléphone, tu as accès à certains services, mais pas d'autres. J'ai un ami qui a essayé. Il s'est dit « Hey, je me lance ». Une couple d'heures plus tard, on recevait un message Facebook, puis ça disait « Hey, y en a-tu un de vous deux qui est comme au centre-ville? Il faut que je redémarre mon ordinateur, mon téléphone. » Fait qu'on était, on trouvait ça bien drôle. C'était très comique. On a 2 autres questions. Oui, effectivement. La première question, je ne sais pas si vous... Moi, je suis un petit peu fourré avec ce genre de questions-là. Je sais que c'est au niveau de l'encodage du email qu'il y a probablement un problème. Là, il y a probablement un setting qui a été changé. Mais c'est quelqu'un qui a un problème avec les caractères accentués qui ne s'affichent pas. Donc, est-ce que c'est un problème que vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez une solution pour... Les caractères accentués comme accent aigu, accent grave, ces choses-là? Oui, exactement. Moi, la seule chose que je vois, c'est anglais-français, que probablement qu'il y a un logiciel ou un serveur qui ne reconnaît pas justement les caractères, c'est juste en français, c'est juste en anglais, puis peut-être au travail, justement, la version est juste en anglais. Moi, c'est le seul problème que je vois là, qui pourrait impliquer justement de ne pas reconnaître ces caractères-là. C'est souvent le problème en entreprise d'avoir un serveur qui, pour une raison ou une autre, n'est pas en UTF-8, qui est un encodage universel pour pratiquement tous les caractères sur la planète. Quand il est encodé en ISO 8835, qui est le standard anglophone américain, les caractères accentués deviennent des points d'interrogation à l'envers ou des choses comme ça. Donc, à mon avis, Mail, lui, doit faire son travail comme il faut. C'est juste qu'il doit recevoir un courriel qui est mal encodé. Donc, ce serait plus au niveau du serveur que j'irais voir, que ce soit Exchange ou un autre, pour être vraiment sûr que le serveur envoie les courriels ou du moins il les convertit dans le bon encodage ou il ne touche pas s'ils arrivent déjà en UTF-8. Une dernière chose qui peut peut-être être tentée, ça pourrait des fois être à cause d'une corruption des polices de caractère. Donc, ouvrir Fontbook, aller dans le menu Édition et regarder pour les fontes activées qui sont dupliquées. Souvent, quand on va installer, par exemple, un logiciel comme Office 2008, il y a des fontes que Office va décider d'installer et qui vont remplacer le Helvetica du système. Et puis, à ce moment-là, ça commence à faire certains problèmes. Fait que ça peut peut-être être un autre endroit où vérifier. Puis là, JF Roy qui se mêle de sacrer la face. Est-ce que JF, tu avais peut-être quelque chose à dire à propos de cette question-là? Non? OK, excellent. JF qui est en arrière puis qui nous souffle certaines réponses en professionnel. Qu'il est. Désolé, c'est encore moi qui ai frappé. Ah, OK, c'est toi, c'est même pas JF. Parce que je pensais que je m'entendais en double, fait que je me suis dit, je vais cliquer sur Jeff, voir si son son est coupé. Mais ouais, bon, c'est encore de ma faute une deuxième fois. Bon, excellent. On va dropper la question et on va répondre. On va répondre à la question de Biker Chief qui m'avait demandé. Je ne l'avais pas rajouté. C'est bien qu'il me le repose. Je ne l'avais pas rajouté au document qu'on avait. Si j'ai eu la chance de vérifier pour C-Cliner et Avast pour Mac. D'abord, C-Cliner, c'est un logiciel de nettoyage qui existe sur PC. Et Avast, si je ne me trompe pas, c'est un logiciel antivirus gratuit. Oui, C-Cleaner, c'est Crap Cleaner, si on veut. Okay. Puis Avast, ouais, c'est ça, c'est un antivirus. Par contre, C-Cleaner est aussi disponible maintenant sur Mac, là. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il me pose la question. Personnellement, autant sur Mac que sur PC, j'ai jamais été un gros fan de ce genre d'outils-là. Sur PC, en fait, j'en ai essayé quelques-uns quand j'étais sur la plateforme. Bon, j'essayais les SystemWorks puis les autres logiciels comme ça. Il y a quand même certains logiciels qui font de la bonne job au niveau du nettoyage de la base de registre de Windows, mais souvent, en fait, si on ne sait pas ce qu'on fait, il peut arriver plus de problèmes avec ce type de logiciel-là que de problèmes réglés en tant que tel. Sur Mac, ce qui se passe, c'est que l'ordinateur, en fait, a certains scripts qui vont rouler à des moments choisis et qui vont quand même, si vous voulez, là, guérir ou nettoyer l'ordinateur d'une certaine manière. Ces scripts-là sont programmés pour rouler vers 2 heures du matin, si je ne me trompe pas, pour ce qu'appelle les scripts « daily », « monthly » et « weekly ». Donc, ça va faire un certain nettoyage. Il y a beaucoup de gens qui vont aussi se demander, est-ce qu'un ordinateur Mac a besoin de se faire défragmenter? Non. Pour la plupart à moins que vous fassiez, par exemple, du montage vidéo et que ce soit des gros morceaux de 4 gigs et plus que vous effacez de votre disque dur, normalement, votre disque dur devrait lui-même se défragmenter à l'utilisation. Un des logiciels sur Apple qui est très, très utilisé puis que j'utilise pour faire un nettoyage, c'est Onyx. Mais personnellement, j'ai déjà eu des problèmes avec Onyx. Par exemple, l'ordinateur ne voulait pas redémarrer après un nettoyage. J'ai dû mettre le CD, faire une réparation de permission, gosser un peu et c'est revenu. Pour répondre pour le Avast pour Mac, ben un logiciel antivirus gratuit pour Macintosh. Avast est en bêta actuellement, donc c'est un nouveau joueur. Puis on le sait, les compagnies d'antivirus là, qui arrivent sur la plateforme, c'est comme une espèce d'opportunité manquée parce qu'ils voient qu'il y a de plus en plus de monde PC qui s'en vont vers le Mac. Il y a Clam Xav qu'on avait parlé il y a quelques semaines au podcast, qui existe depuis un bon moment, qui est gratuit et qui va quand même faire un bon check-up de la machine. Sinon, les appareils à Apple sont reconnus pour étant, disons, plus sécuritaires et moins facilement attaquables à l'aide d'un virus, quoique ça s'en vient de moins en moins vrai. Virus est encore très bien protégé. C'est plus des logiciels, des malwares où quelqu'un se trompe de logiciel, qui s'en va sur un site plus ou moins légal, puis télécharge une mauvaise version qui, là, corrompt le système macOS X. Mais les virus, je pense pas que ça prend une place si importante que ça. C'est plus vraiment des malwares où les personnes ne font pas vraiment attention, puis installent un peu tout ce qu'ils veulent. Prends l'application puis la mettre dans le dossier application, puis c'est fini. Voilà. Okay. La plateforme est quand même protégée parce qu'un logiciel ne peut pas, sur macOS X, s'exécuter tout seul, s'installer de façon cachée, puis après s'exécuter à tous les démarrages sans que tu le saches. Tu regardes ce qui démarre au démarrage de ton ordinateur, tu peux savoir ce qui part, puis pour installer quelque chose, il te demande toujours la permission. Donc, il faut vraiment volontairement installer un fichier malicieux. Souvent, ces fichiers-là, ça va être exemple, tu vas arriver sur un site, ils vont t'offrir un genre de chat avec des demoiselles, ils vont te demander de télécharger un genre de player.dmg. Bien, ce petit logiciel-là va contenir justement un spyware qui va foutre ton ordinateur ou qui va espionner tes transactions bancaires. Donc, c'est toujours un logiciel qu'on va volontairement installer qui pourrait être infecté. T'es-tu en train de dire que le Mac qui se fait hacker, c'est pas parce que la plateforme est pas sécuritaire, mais plutôt parce que le monde, c'est des vieux cochons? J'ai jamais dit ça. Ah, OK. Mais effectivement, c'est toujours la faute de l'utilisateur dans ce cas-ci. À date, j'ai pas encore vu aucun virus à proprement dit, un logiciel qui se multiplie, qui se déploie et qui s'installe et qui s'infecte d'autres machines automatiquement sur Mac. Ça, j'ai pas encore vu ça. Non plus, j'ai jamais eu de problème non plus. J'ai jamais eu aucun malware. J'ai jamais eu de virus. J'ai jamais eu de problème. Le seul affaire qui se rapproche de ça, c'est des pourriels que je reçois. Mais ça, c'est pas Mac OS X qui contrôle ça. Non. Il y en a aussi un sur l'App Store qui est gratuit, sur le Mac App Store, Virus Barrier Express. Je sais pas s'il vaut quelque chose, mais il est gratuit. Donc, ça serait peut-être un à essayer. En fait, c'est probablement la même affaire, là, parce que Virus Barrier en fait un qui est payant. Et c'est le logiciel que tu ne veux pas installer sur ton ordinateur, parce que je pense que c'est une suite de logiciels de sécurité. Et quand il détecte une intrusion, il fait le bruit le plus énervant, le plus surprenant, le plus qui te fout la chienne ou une crise cardiaque carrément que tu n'as jamais entendu de ta vie. C'est débile, ce logiciel-là. Donc, c'est comme une espèce de fantôme qui apparaît, puis il y a une espèce de gros cri avec une femme qui crie au meurtre. Ben, ça fait genre ça, mais ça fait comme... c'est comme vraiment bizarre. Fait que j'espère que ça répond à ta question, Backer. Puis moi, dans le fond, il y a le logiciel que j'utilise beaucoup, Clean My Mac. J'utilise pas quotidiennement, mais pratiquement, parce que quand tu fais des téléchargements, il y a une espèce de... Il y a une espèce de dossier caché qui... Où il y a certains téléchargements... Par exemple, des courriels, des fois, vous téléchargez un PDF ou un vidéo qui se met dans ce dossier-là caché, que vous ne voyez pas, mais qui est dans le système en double. Que là, vous l'avez dans le dossier téléchargement, mais vous avez aussi dans le dossier caché de mail ou juste quand vous téléchargez quelque chose. Clean My Mac nettoie ce dossier-là. Donc, des fois, là, quand vous faites beaucoup de téléchargements, il peut y avoir un 500-600 mégaoctets d'espace libre qui peut être fait là, à ce moment-là. Moi, je trouve ça très pratique. CCleaner, je l'ai essayé. Pour ceux qui l'utilisent Windows, c'est la même, même interface. C'est vraiment pareil. Il n'y a aucune différence là, côté interface. Puis c'est à peu près la même façon de faire. OK. Avant que j'oublie, Dominique Desbiens, très connu depuis un certain « Tout le monde en parle » où Bruno Guglielminetti a plugué son nom et que son score clout a monté en flèche, qui est un gars hyper gentil puis qui dirige en fait les gens qui posent des questions Mac où lui est peut-être un petit peu moins à l'aise et nous les envoie. Et il y a quelqu'un qui a posé une question sur... La question n'était pas tout à fait claire, mais c'était au niveau des « duplicate », de ce qu'on avait de dupliquer dans l'ordinateur. Et ce qui se passe, c'est que c'est un sujet qui est très, très large, le duplicate, mais je pense que la question portait sur des photos. Et ce qui se passe, puis ce que je pense qui est arrivé, c'est qu'il y a un dossier iPhoto qui a dû être réimporté dans une nouvelle bibliothèque. Et de la manière que iPhoto fonctionne, c'est que quand vous importez une photo, il va l'importer dans un dossier qui s'appelle Original. Et... si vous faites une modification à cette photo-là, par exemple, vous la faites tourner de 90 degrés, vous enlevez les yeux rouges, vous jouez un peu avec la luminosité, tout ça, il va créer un duplicate de la photo qu'il va mettre dans un autre dossier qui va s'appeler « Modifier ». Et souvent, en fait, quand les gens vont refaire leur bibliothèque de photos, ils vont simplement prendre les fichiers, les resacrer dans iPhoto, et là, les deux photos sont importées. Et là, on essaie de trouver un logiciel qui va dire « Oui, mais trouve la différence entre les deux photos. Les photos ne pèsent pas le même poids, n'ont peut-être pas le même nom. Tout ça, ou quand on lui demande au logiciel qu'on aurait acheté pour trouver les deux plaquettes, d'en trouver, mais lui, il va y aller avec le nom. Puis vos appareils photos, on le sait, ont tendance, quand on le reset, là, à repartir à zéro. Donc, vos images s'appellent IMG001, puis là, vous en faites une quinzaine. On nettoie la carte, on recommence, et là, l'autre image qu'on va avoir pris va s'appeler aussi IMG001. C'est sûr que, bon, un mélange de nettoyage manuel d'un côté, de bonne compréhension des outils de recherche aussi dans le système, puis peut-être un petit peu de terminal. Dans le terminal, on peut avoir des lignes de code. c'est un petit peu rébarbatif, je peux le comprendre, mais on peut avoir des lignes de code qui vont comparer tel dossier avec tel dossier, et puis on peut lui dire de comparer. Sinon, moi, j'en ai acheté quelques-uns des logiciels qui sont supposés vérifier pour les duplicates, que ce soit Address Book Duplicate, où il y a déjà une fonctionnalité en plus de Duplicate là-dedans, que ce soit dans iTunes ou dans d'autres. C'est pas toujours très joyeux de la façon que ça fonctionne. Moi, j'ai une petite suggestion. Si le besoin de la personne, c'est de sauver de l'espace disque, pourquoi pas lui suggérer de faire un ménage dans les langues qui sont installées de son macOS ou dans les binaires qui sont encore compatibles avec les processeurs Intel puis les processeurs d'avant? À ce moment-là, moi, je me rappelle, j'avais fait le test sur mon MacBook Pro en 2009, je crois, ou début 2010, et je pense que j'avais sauvé une affaire comme 1,4 gigs d'espace. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un nettoyage à proprement dit pour améliorer la vitesse de la machine, mais ça reste que ça sauve l'espace disque, si c'est ça le besoin de la personne. Oui, des langages, de l'arabe, là, quand tu connais pas l'arabe ou l'espagnol, là, ça ne sert à rien. Ouais. Enlève ça parce que tu ne l'utiliseras jamais. Là. Mais ne touchez pas à l'anglais, le système en a besoin pour fonctionner. Toutes les formes d'anglais, là, j'ai déjà vu des gens là, commencer à jouer avec ça. Oui, non, gardez le français, l'anglais, les deux de base. Moi, j'avais gardé mon polonais et mon russe parce qu'il fallait que je travaille ça la dernière fois. Là. Mais à part ça, là, ça fonctionne bien. On veut un exemple? Vas-y, un petit peu. Comment il s'appelait la dernière fois? Djukoklushkuk. C'est quoi? C'est le volcan qui a explosé, ça? Non, c'est le nom sur Twitter d'un gars que j'avais essayé de répondre à une question la dernière fois. Okay. Mais ça ressemblait plus à du polonais ou du russe que le nom exact. Là, mais finalement, j'ai pas eu de retour là-dessus. Bon. En tout cas, j'espère que ça répond. Il n'y a pas dû se reconnaître. Ouais. On a une question, un suivi d'une question qu'on a eue tout à l'heure. Et pour ce soir, je pense que ça va être la dernière parce que le show atteint le 1h en ce moment. Voilà. Dans Mail, est-ce qu'il est possible de mettre l'encollage par défaut sur UTF-8 et non automatique? Oui, c'est possible. Par contre, comme Alexandre le disait tout à l'heure, si votre email est envoyé via un serveur on-site, à ce moment-là, ça ne changera rien qu'on mette l'encodage à UTF-8. Je suis en train de regarder où est-ce que ça se trouve. Là. C'est dans Message. Ouais. Il y a en bas, juste en bas, c'est encodage du texte. Cliquez sur ça, puis il y a automatique qui est coché, mais il y a occidental, japonais, cyrillique, Europe. Bon, il y en a plusieurs. Puis le tout dernier en bas, c'est UTF-8. Oui, oui. Ce que ça veut dire, en gros, c'est quand un courriel arrive, dans son en-tête, il y a une section qui explique c'est quoi l'encodage du texte qui suit. Dans son cas, à lui, à Martin Labbé, ce qui arrive sûrement, c'est que le code, le texte est déjà remplacé. Les caractères sont déjà remplacés par des points d'interrogation et ces choses comme ça, ou même effacés. Donc, peu importe ce qu'il ferait dans son mail, ce qui arrive du serveur est déjà modifié. Donc, c'est vraiment au serveur qu'il faut regarder. OK. Excellent. Ben écoutez, ça met fin aux amateurs de Mac. Bonsoir. J'ai bien apprécié. Vous avez bien participé ce soir. C'est toujours apprécié. Alexandre, c'était super. Des bonnes réponses. T'es worthy d'être un amateur de Mac. Ouais, t'es chanceux. Voilà. Et, j'ai gagné mon badge. Exactement. On va faire des t-shirts, quelque chose, staff ou éventuellement. Là. Mais il faudrait. Ouais, on a un logo, fait qu'on peut commencer à faire des t-shirts. Et puis, où est-ce qu'on peut te trouver, Alexandre? Moi, je blogue pratiquement quotidiennement sur le blog de Geek, donc blog en français, donc blogue.net. Sinon, sur les Twitter, Alexandre avec un 3 à la place du dernier E. Donc, ALEXANDR3. C'est bloc de geek ou bloc du geek? Bloc de geek. De geek, OK. Ouais. Et toi, Vincent, où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, on peut me retrouver sur les Twitter à DEVVMiller ou par mon site web, si vous voulez, créer une application, vmiller.ca, puis il va envoyer vers le français automatiquement. Excellent. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou via ma page Facebook d'entreprise Alexis Cornelier. Oui, je vends mes services et mes connaissances. Donc, si... tes services de quoi? mes on va pas le savoir, c'est correct. De Mac, OK, on coupe son micro. On coupe donc, son micro. Si vous avez besoin de d'autres réponses ou que ce qu'on vous a donné aujourd'hui, c'est pas assez, ben vous pouvez faire appel à mes services. Je me déplace à la maison et on règle ça. Donc, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Et puis, le podcast sera disponible d'ici quelques jours sur les intertubes. Le temps que je fasse la post-prod, cette semaine... c'est assez long, là. Surtout si tes travaux, tu penses que c'est 600 mots, puis finalement, tu en as 2300, tu risques de la trouver longue, effectivement. Non, dis pas ça, c'est mon prof qui entend ça, mané, là. Ouais. Mais c'est fait, tu sais, bon, en tout cas. Il y a seulement anecdote. Nous, il y a 4000 auditeurs, à peu près, là, qui... Mais tant qu'à être, je vais la dire, parce que sinon, c'est bizarre de dire ça. Moi, je faisais mon projet hier, on chattait... sur Skype, puis je pensais, mon travail de session, je pensais que c'est 700 mots sur un livre, Gorgias, c'est une discussion de Platon, là, 2500 ans Grèce antique, puis finalement, j'ai regardé, j'ai commencé à taper, c'était 2300 mots au lieu de 700 mots, fait que finalement, j'ai passé toute la nuit à taper mon texte, je l'ai remis aujourd'hui, là, mais ouais, c'est ça, fait que c'est ça l'anecdote. On veut savoir la note dans un prochain podcast. OK, c'est bon. Excellent. Puis parfait. Alexandre, merci d'être venu. Oui, merci. Tu nous fais signe si tu as envie de revenir au podcast. Bien sûr, bien sûr. Parfait. Yes. Au revoir à tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bye.